plus sans manière, clame son nom et son adresse. Il se frotte lui-même les mains, petits pieds dans petits poings, les yeux comme une forteresse. Et le bruit enfle déjà, contrebasse à mille voix, enfant, quel est ton problème? Où sont maman et papa? Vis-tu déjà sous un toit? Mais regardez-moi cet air blême. Et mais il est né, on ne sait où. Enfant putain, enfant des barricades. Mais il est né comme les fous. À te défaut et te langage. Car il est né, on ne sait où. Enfant putain, enfant des barricades. Mais il est né comme les fous. À te défaut et te langage. À la torture crie une vieille mère, la question résout les affaires. On le pendra comme les autres, ou qu'on le brûle par les pieds, comme toute sa race de traînée dont il s'est fait brillant apôtre. Dieu, Dieu, sauvez-nous d'un monde où la gangrène fout les enfants pauvres sans manière. Arrêt, arrêt, arrêt, Krishna, préservez-nous du combat contre les insoumis de la terre.